la tienne, les mensonges, c'est toujours dans le dos. On priera le ciel nous envoyer la pluie pour laver tes mots. J'arrive place de ce que j'aurais pu faire avec mes valises. Mon sonar m'a indiqué une case, elle est déjà prise, pas de bêtises. Monte en flèche trop vite, on t'apercevra bientôt plus. Quel intérêt de faire les gros titres, c'est pour vivre dans sa bulle. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gosses, mon dieu? Qu'est-ce qu'ils ont? 50 ans de pagaille derrière eux. Sans doute autant de vent. Pour des jeunes salauds. Ici ta rhétorique, ta propagande va pas te sauver. J'ai un doigt envers les miens, c'est dire la vérité. J'ai grandi dans les parties de Rami, des darons au café. On a tous des trucs à se reprocher et ça toi-même tu sais, te laisse pas snobber. Vous n'avez pas encore tout à fait la tête de l'emploi. Les jeunes sont fous, sont prêts à rédiger pour un beau drinté. Fonce pas dans la même voie, fais preuve d'originalité. Pareil octodécis, y'a rien qui est banalité. J'essaierai mille fois d'y arriver si j'échoue. Pas grave, demande au son, on les laisse sans jaillir. Quant aux moqueurs qui voudraient nous stresser, faut qu'ils sachent qu'ici on a trop souffert et qu'on n'a pas kiffé. De nos jours, ce n'ira qu'à carreau, c'est ça l'idée. Cette salité, te retrouver sur le carreau, nous fait tous paralyser. Panique à bord des voitures banalisées. Ici les lanceurs carrières n'ont pas tous séché le lycée. 1, 18ème, 9, 2, Paname, Paname, Vous êtes fiers de vous? Dans un sens, oui. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je ne chercherai pas, La 25e, on est là jusqu'à minuit, tu connais? Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Gros big up au frérot. Lukume Basoko. Ça, c'est une tuerie. J'aime vraiment bien son. C'était personnel parce que j'aime vraiment bien son. Ils ont véhiculé un bon truc. Donc là maintenant, bah on va enchaîner direct. Donc là on va arriver sur un truc, c'est le frère Neo Clash. Le frère Neo Clash qui prépare son album qui sera dispo le 28/10. Donc on va écouter le son Carnage. Yes. Et gros big up à mon frère Neo Clash. Je crois que je l'ai croisé aussi au festival Plan B la dernière fois. Ouais, il était là. Ouais, le frère était là. Donc gros big up à lui, gros big up pour son projet qui arrive. Addictologie, disponible le 28/10. Et donc, premier extrait, le son Carnage. Gros big up à lui. Radio Sud, Besançon, 101.8, la 25e. Radiosud.net jusqu'à minuit et la chronique de Jojo. Show. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radiosud.net. 101.8. Écoute, être cool, je suis pas là pour. Eh ouais, ma poule. Tous les jours, je me dois détendre, je suis ma soif, manger, chier et me vider les bouches. M'alcooliser des sous, surtout si j'ai des sous. J'aime la street et tout ce qui en découle. Les bouteilles de whisky, les objets qui découlent. Je suis fin, prêt pour partir en découte. On sniffe la poudre dans le nez, t'as des croûtes, mais rien que ça dégoûte. Ramène tes troupes, toute fatigue et sors pas de la salle de boxe, mais de la salle de shoot. J'envoyais du foot dans la bouche à la pile. Après l'avoir fait picoler absolue. 92 pirates de la route, jamais dans les virages solo. Guignol, wesh, c'est quoi ce look? La sexualité, j'ai deux sérieux d'autres. Moi, je suis obèse, même sans chico, qu'importe. Je veux les serrer toutes. Entre frères, faut qu'on se serre les coudes. Continue à viser et même sur écoute. Première barrette, première branlette. Si je me souviens bien, c'était sur la redoute. On m'a dit vas-y mollo, whisky c'est pas du lait, whisky c'est pas de l'eau. Je mène la bataille comme ma Waterloo, sombre comme le bateau du matelot. Je veux aller au télo et je des top model comme l'aurait fait Mario Balotelli. Soir ce, j'ai lié au couplet, grosse comme des balles de tennis. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop habile. Le menu trouve sa pile malgré notre sexe à pied. Des forêts secs, tous les moyens sont bons pour se faire sucer la pile. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop habile. Le menu trouve sa pile malgré notre sexe à pied. Des forêts secs, tous les moyens sont bons pour se faire sucer la pile. J'arrache tout sur mon passage comme la montée des eaux. Dans ce monde où règne l'hypocrisie, je dois teaser pour affronter les autres. Pour péter les plombs, y'a plusieurs raisons. Si tu veux du bif, faut que tu montes un réseau. Serre les parisiens, la banlieue 9-2. Jusqu'à ma cible, pas les autres. J'suis pas un escroc, un canard avec l'ego. J'suis pas un marvel. Le super héros, vie c'est les stupes, l'enfer c'est les autres. Sub-Zero, c'est mon alter ego. Apprends la vie, j'aime des héros. Avant de vouloir te fournir chez les gros, c'est trop mino. Mais les selfies d'une go, envie de planter les crocs. La rue, vous n'y étiez pas. On vous a pas vu, on s'est jamais croisé. En tout cas, la sobriété, je connais pas. On va traquer, t'es comme l'état. pourrait bien finir par t'attraper, espèce de grosse merde, faut respecter l'omerta. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop habile. Dis-le, nous trouvons sa vie malgré notre sexe à pied. Des fois, il sait que les moyens sont bons pour se faire sucer la ville. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop habile. Dis-le, nous trouvons sa vie malgré notre sexe à pied. Des fois, il sait que les moyens sont bons pour se faire sucer la pile. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop habile. Les fumeux nous trouvent zappis malgré notre sexe à pied. Des fois ils sec, les moyens sont bons pour se faire sucer la pile. On fait carnage dans la ville, on est bon pour l'asile. On joue avec la vie, on est beaucoup trop à 25ème. Les fumeux nous trouvent zappis malgré jusqu'à notre minuit. Sexe à pied. Des fois ils sec, les moyens sont bons pour se faire sucer la pile. La chronique de Jojo ce soir. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Aïe, gros big up au frérot Néoclash qui revient avec un album, un bail lourd. Le 28-10, ça va mettre des gifs, frère. Gros big up à lui, il taffe ça dur. Et voilà. Dans la petite chronique de Jojo, ce soir on passe beaucoup de sons, on s'enchaîne vite. On est là, on s'enchaîne vite. Pas carré, parce qu'on n'a jamais été carré, ça changera pas. Si demain je suis carré, vous m'aimerez plus. Donc c'est pas la peine. Oh, c'est pas mal. C'est, moi je trouve ça pas mal quand même, tu vois. On, avec des comme Tudo, tu vois, comme Tudo, il dit avec des petits bouts de ficelle, on arrive à faire des trucs, tu vois. Ouais, gros vidéo pour Fleurot Tudo, on fait les bails, on fait les trucs, on est là. Donc ce soir après Neo Clash, on va passer le frérot Sekel qu'on n'avait pas pu passer l'autre coup. Sekel, pareil du LBN. On n'avait pas pu passer l'autre coup parce qu'on avait eu des petits soucis au niveau de la bande, tout ça. Donc, on va passer le frérot Sekel, Folle Époque, sur une instru du frérot Zakaprod. Donc, gros big up à eux, gros big up à tout mon LDBN. On enchaîne tout de suite sur le frérot Sekel avec Folle Époque. Yeah. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. À source de Tagos, LBL Click, Zakaprod. Je fais mon entrée joliment, en vrai ça passe sous sa casse. Je veux m'éloigner des sarcasmes mais aussi des boniments. Faut qu'il y ait mes crocs qui rentrent dans ma part du gâteau. Disparaît en silence si je m'empare du magot. L'horizon s'évapore quand la brume approche. Nos vies plongent puis s'arrêtent quand y'a plus d'accord. Une actu hardcore comme quand ça pue la mort. Une lame sur ta gorge, c'est ce que la rue t'accorde. Sur la prod je me sens bien, surtout quand le style est ancien. Agis durement car si tu flanches tu te retrouves direct en chien. Ça fait longtemps que je suis dans le bain, je suis à l'aise dans l'aquarium. Mes pensées impuissant vain, j'ai la tête dans chaque boyau. Dans de beaux draps qui sont pas soyeux. Je dois soigner chacun de mes actes pour que demain ça soit mieux. Je visais les sommets, bloquer les pieds dans le ciment. Sur ma voix sans savoir que mes ennemis, mes pieds en silence. J'ai grandi dans une folle époque où ça criait à mort. Les portes à tout louper dans ta vie. Dis pas que c'est à cause des autres, ils feraient tous pour des torts les hommes. Si tu décores, c'est moche. Tu sais que le décor est gore. J'ai grandi dans une folle époque où ça criait à mort. Les portes à tout louper dans ta vie. Dis pas que c'est à cause des autres, ils feraient tous pour des torts les hommes. Si tu décores, c'est moche. Tu sais que le décor est gore. Tu le sais mais tu l'oublies. Un idéal tu poursuis. La routine est infernale et crois pas que c'est du tout cuit. Je l'ai vu tout de suite que ça allait être sale. Ton âme restera tachée, t'auras beau laver tes sapes. Faudrait arrêter ça, apprenez à vous péta. Bande de pédales au lieu faire ça avec des armes. Tous les grades, fais en sorte que le blues t'épargne. Où ta vie devient un court métrage. Toutes ces lattes tirées ne sont pas un doux présage. Ma mort, pour rien au monde je louperai ça. Doubler la cadence, je dois ou je suis foutu par avance. Tout ne tient qu'à un fil et c'est pas dû à l'afghan. Du mal à prendre les bonnes décisions. Des grandes foncées par millions, je développe des visions. Malheur à celui qui me dérobe des bifetons. Suicide a du mal à suivre dès lors que c'est immonde. J'ai grandi dans une folle époque où ça criait à mort. Les portes à tout louper dans ta vie. Dis pas que c'est à cause des autres, ils feraient tous pour des torts les hommes. Tu décores, c'est moche. Tu sais que le décor est gore. J'ai grandi dans une folle époque où ça criait à mort. Les portes à tout louper dans ta vie. Dis pas que c'est à cause des autres, ils feraient tous pour des torts les hommes. Tu décores, c'est moche. Tu sais que le décor est gore. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. On est toujours sur la 25ème jusqu'à minuit. Tous les jeudis soirs, 22h minuit. Radio Sud, Besançon. 101.8 sur la bande FM. Radio-Sud.net pour ceux qui ne savent pas. On est là depuis février. Merci à tous ceux qui nous écoutent à Besançon, en dehors de Besançon, très loin de Besançon. Merci beaucoup. On a de très bons retours. Et merci à Radio Sud de pouvoir nous diffuser, ouais. Nous permettre d'être ici. Donc ce soir, comme tous les jeudis, comme tous les deuxièmes jeudis du mois depuis la rentrée septembre, c'est la chronique de Jojo. Donc ce soir, c'est diffusion de son petite compile rap français, rap américain. Voilà, c'est la sélection à Jojo, la petite sélecta à Jojo. Donc là, qu'est-ce que tu nous as prévu pour la suite? Parce que donc là, c'était le frère. Pas mal de trucs, hein, déjà. Bah là, c'était le frère Sequel du 9-1. Yes. Donc gros big up LBN et Assos de Dingos aussi, on n'oublie pas. C'est pareil, c'est la même famille. Et bon, ouais, ce soir, c'est un peu. Ça balance beaucoup de sons, yes. Lourds en mitraillette. On n'a pas fini le mitraillage. Ça va être juste le dernier son au niveau de la sélection française et on va enchaîner par la sélection américaine. Mes oreilles ont traîné. Étant petit, j'écoutais que du rap Quinry. Yes. Pour dire vraiment la vérité de chez vérité, j'étais petit, j'écoutais 4-5 groupes de rap français. Et franchement, c'est mon frère Polo qui m'a mis vraiment dans la... qui m'a fait écouter à l'époque, il y a 8-10 ans de ça hein, quand même, hein, et qui m'a fait écouter vraiment le rap français que lui il écoutait et que j'ai commencé vraiment à être dedans. Gros big up à mon refrain, yes. Polo. Et voilà. Polo, hey, Pollux, hey. Et ouais, même voilà, si c'est tu lui, pas, tu vois. Mais salaud. Sinon, ouais, j'étais 100% né en. J'étais vraiment en écoute, Quinry à l'époque, tout ça. Donc. On va finir le dernier son de ma sélection française pour ce soir. Donc un gros big up, on y retourne comme j'avais prévenu. Il y a le frère Osenza qui arrive avec son album Retour au Temple. Et là, c'est pas des gifles, c'est des combos. Vous allez manger des combos parce que le mec Combo est tel... Breaker. Ah ouais, le mec est tellement technique qu'il va il enchaîne des trucs de ouf. Non, le boog, il est dans les bails vraiment. Hein, comme blou, ça, blou, bref. Blou, blou. Et non. Donc... Je rappelle l'album de l'usine qui était justement en préparation. Donc, c'est Jusqu'à la vie qui ne va pas tarder à arriver. Il n'y a pas encore de date. Mais bon, vu l'avancée du bail, ça va être des coups de genoux mélangés avec des coups de coude à l'intérieur de l'œil dedans, frère. Gros big up à tous les refs. Et là, on va enchaîner avec le son du frérot Senza, retour au temple. Extrait de l'album du même nom et qui va... Gifle. Bri, toujours dans la 25ème, chaud. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Je ressors mon armure et mon sabre après un long voyage. Mon pactage s'est rempli, alourdi mon bagage. Le sang du guerrier qui coule dans mes veines m'enivre et m'énerve, cette plume pourrait t'apprendre à lire sans livre. Je n'ai pas eu de maître réuni entre frères comme les sept samouraïs. Le disciple et le temple font leur retrouvaille. Sensei Senza, accueilli par les siens avec le cœur, avant de faire l'argent avec le beurre. Ta théorie est pythagoresque, une belle balle nappe d'escrocs. Tu sens le gaz, moi je sens l'escroc. J'ai pas la notice de mes écrits et c'est triste parce que les instincts de compréhension chez l'homme rétrécissent. Je vais te faire regretter ta feuille blanche. Y'a tout un arbre qui me porte et je tiens en équilibre sur une seule branche. Se détacher du cocon, ça crée du vécu. Et rentrer à la maison, ça nous rappelle qu'on l'a vécu. Pas besoin de faire le tour de la terre pour se remettre en question. La pierre est la cause des vagues que nous encaissons. Je repose un pied dans le dojo. J'ai refroidi tous mes ennemis quand ils ont vu que j'étais trop chaud. Je suis né dans les années 80, ça commence à date. Mais j'ai la prétention de savoir rapper. Enseigne mon art aux jeunes disciples. sortir du lot et laisser une trace comme une goutte de sang qui gicle. Prends la parole dans un haut-parleur manuel et ma façon de t'ouvrir les yeux sera cruelle. Je n'ai aucune pitié avec l'immoralité de ce monde. Ma lame est aiguisée un peu plus chaque seconde. Mes cheveux blancs de la sagesse apparaissent. Faut que je pratique pour ne pas m'enfermer dans la paresse. Les collisions nous font changer de face. Nous sommes ce que nous vivons. L'homme est comme une bille qu'on jette dans l'espace. Il suffit d'un obstacle pour changer de direction. Hormis le trait qui fait danser mon arme de prédilection. La vie c'est une partie de flipper sans aucun score au bout. Tu pourrais rebondir partout, tu finiras dans le trou. Chaque fois que j'imagine une chose, il se passe son contraire. Je peux prédire l'avenir, c'est pour ça que je fais tout le contraire. Les traits du passé creusent le visage du présent. Ce qui arrive dans l'instant T ne l'est plus vraiment. J'ai peaufiné mon savoir au fil des années. J'élève mon esprit jusqu'au soleil des damnés. La pointe de mon épée regarde l'étoile du nord. Prête à trancher la terre en deux pour voir qui est le plus fort. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. J'suis parti pour mieux revenir comme une balle tapée d'un revers. On croit tout savoir jusqu'à avoir une déception. On sait que le plus important dans un saut c'est sa réception. C'est là toute la réflexion dans toute sa conception. Si tu vois pas où je veux en venir, c'est peut-être que tu t'es trompé de son. Mon cœur s'est ouvert et mon âme s'est élevée. Maîtriser ses démons fait de la haine qu'ils m'ont prélevé. En perpétuel apprentissage, plus c'est droit, plus je m'attends au virage et à la marée d'un mirage. J'ai quitté les gens que j'aimais avec la boule au ventre. Je fais partie du Z, voilà pourquoi je retourne au temps. Les portes s'ouvrent et le Z accueille son élève. Je pars d'en bas, c'est pour ça que mon regard s'élève. L'élève a vieilli, il est devenu maître. Si le couteau rentre, je prends le temps d'un retour au temple. Les portes s'ouvrent et le Z accueille son élève. Je pars d'en bas, c'est pour ça que mon regard s'élève. L'élève a vieilli, il est devenu maître. Si le couteau rentre, je prends le temps d'un retour au temple. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. Radio-Sud.net 101.8, tous les jeudis. Depuis le mois de février, on est là, on est posé. 43 rue d'Arennes, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est Radio-Sud, c'est nous, c'est la 25ème. Ce soir, c'est la chronique de Jojo. Dis-nous tout, Jojo. Bah, gros big up au frère Osenza. Son album arrive, retour au temple. Le truc, comme j'ai annoncé, je l'ai annoncé avant le morceau, les mecs, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, c'est de la lyrics lourde, c'est du travail à l'intérieur de la rime. Donc, gros big up aux frérots de l'usine avec un Z, bordel de merde. Et gros big up à toute l'équipe. Donc là, on va un petit peu changer de délire. Quoique non, parce qu'en finissant avec Senza, on va pas beaucoup changer de délire, vu que c'est la même technique. On va passer sur du rap carry. Petite sélection de Jojo cette semaine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a ma petite oreille carrée qui adore toujours aller écouter ce qui se passe outre-Atlantique. Donc, on va commencer par Chat Oeuf, ce genre de son ultime effroi, no safety. Yes, c'est parti dans la 25ème, la chronique de Jojo. La froideur, c'est pourquoi j'aime gratter mes textes sur ce genre de putain de prod. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. Super feeling shit, still shit. Super feeling shit. 100 round. Like it's made to wave and then they imitate. Dear nigga, try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Niggas never had a plan, we had to demonstrate. Better stay or bring your place, niggas spit a plate. Dear nigga, try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Put you on my dinner plate. My friends turn to foes and my foes turn to fans quick. My plan switched, almost had to get my man slipped. Fresh RLX sweatsuits with the Stan Smith. Dizzy off the juice flowing down the van with. Almost sold my soul to the devil, he tried to short. Nah, shorty said my dick is a drug, she tryna snort me. Pussy niggas panicking, plotting, tryna report me. You gon' take a nap in the dirt, you even retort. Plotting on that Porsche as soon as I get my portion. Money is the only thing trigger off my endorphins. Section 8 babies, but lately niggas been loafing. Come between that and his coffins, no caution, flossing. Sipping all this codeine, I ain't coughing. Giant nigga running New York like Tom Corsley. Bitches swallow all of my kids, call it abortion. Plug got hit, now he's sick, he facing the portion. Send the love, but they send the hate. Niggas like us make the wave and then they imitate. Dead nigga try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Niggas never had a plan, we had to demonstrate. Better stay and bring your place, you niggas better play. Dead nigga try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Put you on my dinner plate. My heart froze over, colder than Nova Scotia. Quote me, don't eat pussy unless it's kosher. Keep toasters like poachers. They don't decide they hosters. Let them off fat vultures for the coaches. Let it off from the hands of the most high. Now I'm the most high. Rose from out the land where most die. We sinning so most lie. Really do we grin but most try. Seldom do we smile but most cry. The staircase all pissy. Mom snapping at me, she all bitchy. Starving so my palms to the Lord itchy. Dawn calling on in a low bomber. Armed with a red squadron of soldiers that smoke ganja, provoke drama. And tote llamas, curve karma, embrace commas. We chase dollars, same time we evade collars. I'm a different type of ignorant, educated and domesticated, but I'm just too militant. Send the love, but they send the hate. Niggas like us make the wave and then they imitate. Dead nigga try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Niggas never had a plan, we had to demonstrate. Better stay or bring your place, you niggas better play. Dead nigga try and test me for my dinner plate. We gon' take his top off and let it ventilate. Put you on my dinner plate. Radio la 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. You know what I mean, man. Hey, on est rentré dans le petit bail américain, dans la petite sélection américaine pour finir calmement. Et on va enchaîner tout de suite par les books de Détroit. Donc l'équipe à Apollo Brown, Ugly Heroes. L'album est sorti déjà il y a un bon moment. Et ça regroupe que des mecs de Détroit. Il y a que des mecs de Detroit, pour ceux qui savent. You know what I mean, man. Et on va enchaîner tout de suite avec Ugly Hero. Et le morceau, c'est Desperate. Ce genre de, avec une prod d'Apollo Brown qui te met des coups de coude à l'intérieur du vaussaire qui se décolle. Péter leur cheville, péter leur clavicule. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Detroit. Ce genre de chiterie monumentale. Sur cette 25e rive est, radio ouais. Sud. Ugly, hero, desperate. Yes, la chronique de Jojo jusqu'à minuit. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah. Bring the drums. Yeah. I want to. Yeah. Yeah. What the fuck am I supposed to do? Yeah, supposed to do. Check it out. Listen, I'm in my flat road. Blast smoke. The voice in the back of my mind sighs. Have hope. I have rope. I can end it all. Feeling that. Local rapper bound hanging from the ceiling fan. That would be the easy way out though. But what would that amount to apart from an outro? It's not what I'm about, yo. I'm never for shortcuts. And taking life is never right. That's something the Lord does. Sorting through these past dudes. bad mood. Yeah. No soap in the bathroom. I don't wanna hustle, but I have to. Back to the drawing board. Ziploc, stock up on what the clients want. I am taught, but I won't listen. Self-destructive, sorta like I wanna fail. But what I ought to feel isn't what moves me. Why I grab a pen and stick the tip to this loosely? It's desperate. So what the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Don't even have a rope to hold on to. So what the fuck are we supposed to do? Come on, come on. No way out for us to make that move. So what the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Tell me, what are we supposed to do? While these motherfuckers pop bottles, I'm taking pop bottles back into the store so I can get some top ramen. What the fuck they know about that rock bottom? Everyone I know is feeling downtrodden. Everyone I know is thought about robbing. I'm not talking about a stick up, I'm talking lifting up that drawer before that afternoon pickup. Shattering that tax bracket you sick of on some get up, get out and get something shit. Come on, the mind wanders when you're poverty stricken, and only hope you're holding on to is a lottery ticket. Yeah, bills piling up, so don't see you smiling much. Start thinking of some violent stuff, like why the fuck don't I just get a pint of rum and not and tuck it in between my teeth and say goodbye, I'm done. Economy is down and suicides are up. We'd rather die by a gun than let this world be the death so of us. What the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Don't even have a rope to hold on to. So what the fuck are we supposed to do? Come on, come on. No way out for us to make that move. So what the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Tell me, what are we supposed to do? This world will fuck you and expect you just to smile through it. Waking up as a reminder, thinking why do it? They wonder why these motherfuckers snap. 1 minute a family man until he's walking in that plan and he's thinking, where the fuck's my overtime? Last resorts become solutions to a sober mind. An empty bottle list of fucking demands, like, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Feeling like there's one way out of this hole. Feel the weight of the world, sure hate, feeling out of control. Either I'ma see the light of the light. Burn out, no mistake though, it's never too late to turn around. Turning out to be a catch 2-2. Not a stretch for me to fetch the 2-2. I know that's a bit theatrical, but this poison is pungent. It's just so suspect how much I've been avoiding the subject. So what the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Don't even have a rope to hold on to. So what the fuck are we supposed to do? Come on, come on. No way out for us to make that move. So what the fuck are we supposed to do? What the fuck are we supposed to do? Tell me, what are we supposed to do? La 25e jusqu'à minuit. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Il est bientôt 23h30. On est toujours sur la 25e jusqu'à minuit. Dernière demi-heure. On est dans le money time. Il faut nous passer le ballon pour marquer des paniers. Il faut nous donner le ballon dans la surface pour marquer des buts. Et ce soir, c'est la chronique de Jojo. On est là ce soir, on est passé outre-Atlantique à enchaîner des sons carrés. Donc là, c'était Ugly Heroes Desperate pour ceux qui veulent rechercher le son, parce que je sais que j'ai des refrains à l'écoute qui sont très amateurs de sons américains et qui ne jurent que par ça. Et on passera que le nec plus ultra. Là, je vais prendre un petit instant pour dédicacer. C'est un MC américain qui a disparu il n'y a pas très longtemps. Sur qui il y aura bientôt une chronique, il y aura une heure réservée pour lui, parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, moi, Non, j'en ai pas rien à foutre, parce que je suis de temps en général, mais sur le coup, non. Donc là, on fera une grosse dédicace à Mac Miller. Mac Miller, yes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quand même un génie. Il faut savoir que le book, depuis petit peu, il était dans la musique, ok. Son daron était dans la musique, il jouait de 4 instruments différents avant d'être un rappeur. Il faut quand même le rappeler, le mec était totalement dans des bails de ouf et franchement sortait des bails de ouf. Donc gros respect à Mac Miller, qu'il repose en paix, peu importe comment il est parti. Les gens parlent, n'ont jamais égalé la moitié de ce qu'il a pu faire en termes de son, en termes de lyrics, en termes de mec. Personne n'a jamais clashé Miller. Donc arrêtez de faire crari. Gros big up à lui. Et nous allons passer un classique de lui ce soir. Gros il aura classique celui-là. Gros classique. Classique. Ah ben frère, une référence pour ceux qui se cassent les couilles à écrire des vrais rimes et qui ne voguent pas simplement sur une mouvance et un bail. Donc nous allons passer tout de suite un gros classique de Mac Miller, le son Diablo. Dédicace à tous mes refs derrière à l'écoute qui vont kiffer ça dur, peu importe qu'ils soient dans le hall, dans la vago, au travail, à la maison. Gros big up à ceux qui écoutent Radio Sud Besançon 101.8, l'émission La 25e et la petite chronique de Jojo tous les deuxièmes jeudis du mois. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah. Yeah. Yeah. Rap Diablo. Yeah. Yeah. It's the Rap Diablo. Macho when I drop flows. Bar gets raised up. It's me and Petey Pablo. Colder than gazpacho, colder than the mano. Rapping head honcho, rocking shows like I was Bono. I go, play a couple keys on the piano. The industry a lie, all the promises were hollow. Follow me, I can show you where we bees at. How'd I get my G-Pass? None of your fucking beeswax. These raps bring a joint together like a kneecap. Fuck the little eight balls, show me where the keys at. The time continuum, Mortal Kombat finish them. Trying to find the balance, reaching for my equilibrium. Fools, I pity them. I'm not a human, I'm amphibian. Fake superhero like the Mystery Man. I ain't saving nothing. I'm getting faded till the angels come and skipping all the famous functions. How do the famous function? The A-list can't be trusted. I strong arm them like I play the trumpet. The bottom barrel of society. I tell my bitch if she don't love me, then just lie to me. I'm finer than the winery. Take it from the rich, this is piracy. Finally, I don't even need my fucking eyes to see. Come and die with me. Cause everybody got dead homies. Said everybody got dead homies. Yeah, said everybody got dead homies. Said everybody got dead homies. Yeah, okay, my mind is Yoda, I'm on Ayatollah. These other rappers just a diet soda. I find Jehovah in the darkest places, empty as apartment basements. This a marathon, gentlemen, go ahead and start the races. Save the coffin spaces. But come up missing, tell your bitch that you've been tripping, now you on vacation. Rapping like it's automated, lights I keep them on like Vegas. Lava making, so hot I'm turning hog to bacon. Only God can save him. I heard the monsters made him. I ain't a star, I'm way farther with the constellations. Contemplating suicide like it's a DVD. Lost inside my mind, it's a prison, homie, leave me be. You can see me bleed, I be with the freaks and geeks. Bitch, I never miss a beat. I'm Charlie Conway, Triple D. Gordon Bombay in these streets. Ballin' like I'm Pistol Beat, been a beast. Every word I spit, rewriting history. Look at what you did to me, look at what you did to me. Run into the underworld with guns and set the sinners free. No bitches in my circle, I'm gonna show you the commercial. I've been popping like a colonel, reading Justin Bieber's journal. Treat you like a urinal. Cause everybody got dead homies. Said everybody got dead homies. Yeah, said everybody got dead homies. La 25e jusqu'à minuit. Homies, homies, homies, homies. Hey, yeah, yeah, yeah. J'aime. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. Comme Jounès fera lui-même. Et je. Et Jojo. Hey, Jojo, Jojo, cet enfoiré Jojo qui vous passe du gros soquinri ce soir. Dédicace à tous ceux qui écoutent. Dédicace à ceux qui aiment Mac Miller. Rahmou, respect à toi, mon pote. T'as fait du bon, on te passe, c'est normal parce que trop de gens te sous-estiment. Yes. On va enchaîner tranquillement et on va rebondir encore sur le mec, mais le même mec de Detroit a.k.a. Apollo Brown. Ce genre de producteur de prod qui te met des coups de coude pendant que tu dors. Ok, Apollo Brown, Lose You. Ce genre de grosse prod, ce genre de truc de ouf. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. J'ai fait deux concerts en un an, quoi. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Je te fais Radio Sud.net. Vas-y, tu voulais faire un bail, Petit contretemps professionnel, donc ce n'est pas grave. Un putain de pull-up comme les gars de Madi. Comme tous les gars, chez moi, Madi la wassa. Roulez-vous! C'est Jojo qui est là, dans la maison! On va tout comme ça, mon gars! 972! Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le refaudra! Jackie Benji, fais le bilan! 972, Madinina, Wassav, dédicace à tous mes Madinina! Si on parle raga, dédicace à Jamatic, dédicace à MC Janik, dédicace à tous mes Madinina! Dédicace à Zesso, dédicace à tous les mandilins à l'intérieur du rap français ainsi que leur aga, frère. Et que on va faire un moi. Petit pull-up. On va faire un petit pull-up. Donc. Sakapa. WhatsApp. 972-973-974. Vous êtes toujours dans la 25e. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas parti sur Radio 974. Madinina. Ou 972, 974, 974 partout, 976, vas-y, dédicace. Vas-y, dédicace gentil, là, à tout le monde. Là, ça devient trop. Dédicace, là. Dédicace. Tu parles loin, là. Tu l'as lancé. Tu dédicace l'as lancé. À tout le monde. On est parti dans les dom-toms. Dédicace à La Réunion. Dédicace à Mandinina. Dédicace à Guada. Dédicace à tout le monde. À Mayotte. Toutes les blocs. Mayotte. Tout le monde, frère. On est là. L'Irlande. On va faire un petit pull-up. On va juste dire que là, c'est Benny the Butcher avec The Weller qui part. Et mes dédicaces à tous mes dom-toms, dédicaces à tous mes frères, dédicaces à mon frère Afiz à La Réunion, dédicaces à mon frère Boogie Gangsta à Mayotte, dédicaces au 972, dédicaces au 973, dédicaces au 974, tout le monde, WhatsApp. Bim! Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. You know what this is? The butcher coming, nigga. Hey, look, we don't do no price talk, cause I already know they numbers. Plus, me and your old connect was tighter than them Doge runners. First time I ever cooked the deuce, I got a four-way from it. Stabbed it in a pot so many times, they think OJ done it. If me and Push would have linked back when I was a dealer, that's an 18-wheeler to my town from Virginia. Enough glitter on my neck, it make my ex-bitch bitter. I put up to the checks, pushing the Lex like I'm Jigga. To really make these type of checks, I took my chances when I was scrambling without no license. Yes, I really took those type of risks. I'm laughing at indictment threats. Huh, I used to sell O's, but now I outsell shows to the feds with trail calls. When I was locked, never called, but I used to send mail home. I got close homies who caught in new cases on jail phones. Velcro strapped and clip, got a curve like an elbow. She counting up when a bitch got the 50, a nail broke. They talking racks, but my plug bring it back on a sailboat. And I flooded my corner right after the scale broke. That's your bitch, but I'm not a nigga, she tell no. Yeah. Cause you got the bitch fly, but it wasn't Chanel, no. Nothing like you new gangsters pointing guns at the camera. Never. I bet you niggas practice in the mirror. Brick of money to your earlobe. Six picks, same brick, something's weird though. They say a hero's nothing but a sandwich. The 488 coming through like the praying mantis. My bitches got standards, it's fan love and war. It's okay to fuck a scammer as long as he empty the bag like Black Santa. Steak dinners at Dantana's, pick a Tamra. The purple in my rainbow is amethyst. Only I can coke rap this glamorous. The only drug dealer out at Fashion Week with an 80-20 split like Master P. Why would I ever 50-50? You ain't half for me. Benny the Butcher coming after me. Push. I flooded my corner. I flooded my corner right after the scale. Vous êtes toujours dans la 25e. Vous êtes toujours dans la 25e. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah. En fait, avec Pusha T. Parce que c'était Benny the Butcher avec Pusha T. Faut pas oublier qu'il y avait Pusha T qui kickait le bail, qui était complètement ouf, tu vois. Mais, attends. Calme-toi, Rizzo. Dis-moi. Là, pendant que vous étiez en train d'écouter le son, il s'est passé quelque chose. Le mec, pendant tout le son, il était là en train de taper une impro de malade et tout, tu sais, en mode rap contenders, end of the week. Le mec était chaud, il ne s'est pas arrêté. Vous ne pouvez pas vivre ça depuis derrière vos enceintes. Là, il faut venir au 43 rue de Rennes et il faut le voir pour le croire. Et Digno, il a tout pris. Là, il a tout enregistré. Et là, il se dit, mais peut-être que je reviendrai pas. Tu vois, le deuxième jeudi du mois de novembre, je serai peut-être en vacances. Il me regarde. Tu crois que j'ai peur? Non. Tu crois que j'ai peur? On était ensemble, gros c'est, big c'est, up. C'est le bonhomme qui est assez bizarre, quand même, tu vois. Gros rappel à 2010. Je voudrais quand même faire un rappel à 2010 et faire un gros big up à mon refrain Gizmo. Parce que Gizmo, on dit ce qu'on veut de lui. Moi, c'est mon refrain. Je l'ai check en 2010 ici au End of the Week à Besançon. Et j'ai fini deuxième entre Alpha One et Nekfeu. Donc, moi, je voudrais faire un gros big up. Je suis témoin. Le frère Chao était là aussi. On a fait les bails. On a bien représenté notre ville. Les gens suaient et je veux faire un gros big up à mon refrain Gizmo qui était là à l'époque et qui n'a jamais cessé de représenter et qui a fait son bail. Et à chaque fois qu'il descend ici, c'est un max de respect. Donc gros big up à lui, le reste, comme vous voulez. On va enchaîner maintenant, tranquillement. On va finir par le dernier son de ce genre sélection. Ah oui. J'ai choisi le meilleur ce soir. Le main event. Le nectar. À tous les gens qui croient que Jojo il est contre ci, il est contre ça, et blablabli, et blablabla, et dadadi, et dadada. Rizzo n'aime pas la PMA, car c'est un vrai papa. Rizzo n'aime pas la PMA, parce que c'est un vrai papa. Il va mettre du Jung, mais... On va pas faire de trucs. Tu sais très bien ce que je vais faire. Tu le sais, tu as dit les choses. Pour tous les gens qui croient que Rizzo, il est ci, il est ça, je n'aime pas la PMA, car je suis un vrai papa. Arrêtez de sortir des diableries, des trucs, des darons. Il n'y en a pas que des pourris, il n'y en a pas que de la merde. Il y a des darons qui sont fiers de leurs enfants, qui leur apportent tout ce qu'ils peuvent. Arrêtez de blaguer, arrêtez de sortir des trucs. La loi, elle a été votée, c'était contre, ça a été voté. Je n'ai rien contre les sœurs qui sont dans ce bail à ne pas avoir de papa. Dédicace à toutes mes petites sœurs qui aiment les petites sœurs. J'ai pas de problème avec ça. Arrêtez de me casser les couilles. Donc pour finir ma putain de sélection ce soir. C'était la minute politique. On est là, on est là. Pour finir ce soir, un gros big up. Et on va partir en passant Young Ma. Et là, quand le go va vous mettre une putain de gifle dans votre bouche. Parce que c'est le go quand même. C'est le go. C'est le go. Et elle-même respecterait que je dise ça. Et ceux qui m'écoutent de mes russes, j'ai mes russes à moi qui me connaissent. Elles savent très bien. J'aime. Big up à toutes les petites sœurs. Qu'aiment les petites sœurs. On s'en bat les couilles. On s'en bat les reins. Et gros big up ce soir. Je finis pour vous. Dédicace à tous mes petites russes. Young Ma. Bim. Et c'est parti. Da. Comme. Radio-Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. C'était la chronique de Jojo dans la 25e. Tu peux monter le son. Radio-Sud.net. 101.8. C'est parti dessus. Started off with a dream. Sheesh. One gold chain, I was acting up with the gold fangs. No name, knew I had to put in more pay. On va le pull up. Envoie-moi un vrai pull up, Rizzo. Show la 25e jusqu'à minuit. On envoie Young M.A. Da Come Up. Boom. Show la 25e, on est là. 43 rue d'Arène. Radio-Sud.net 101.8 tous les jeudis. Chaud. Started off with a dream. One gold chain, I was acting up with the gold fangs. No name, knew I had to put in more pay. I had one bitch, few side hoes, taking niggas women with my eyes closed. I was running like it's not known. Fresh t-shirt, Ralph Lauren, new pair, George, one car, not a foreign, had the Hennessy porn. Mixtapes out the Chevy Cruze, my grind wouldn't let me lose. Now this little nigga making heavy moves. Came back from the setback, the realest out, I can bet that. C-Low with the dice game, 4, 5, 6, that's a head crack. My ex-bitch had to ex that, didn't feel right, so I left that. On to the next that, now it's fuck that, where the checks at? Finessing, get back to the work, ain't no resting. When I caught a L, I learned my lesson. Now I count my money, count my blessing. No off days on the calendar, bout to cop the new Challenger. Mac 10s with the silencer, even wildin' out, ain't it wildin' up. Purple Kush, call it lavender. LBs on the pedal, bring a mallet, drop racks in a passenger. Whole game for the savages, hunt them down like a scavenger. Man down if you actin' up, never back down, never backin' up. Get the back end, remember back then I ain't had shit. Got the AP with the white face, call it Dracula. Nigga hating all in the aggro. Big body show, big beep, beep, beep, beep when I back it up. Clown nigga, got me cracking up. Make it ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski when I'm tapping up. And that big body with a thick thotty got 6 jobs and like 6 hobbies. Finessing, get back to the work, ain't no resting. When I caught a L, I learned my lessons. Now I count my money, count my blessings. Started off with a drink. One gold chain, I was acting up with the gold fangs. No name, no, I had to put in my pants. I had one bitch, three side hoes, second niggas running with my eyes closed. I was running like it's not known. First t-shirt, Ralph Lauren, new pair of Jones, one car, not a phone, I had a Hennessy point. Bass takes out the Chevy Cruze, my grind wouldn't let me lose. Now this little nigga making heavy moves. Il est 23h47, on est toujours dans la 25e. Et vu que le poteau Rizzo, il m'a lancé sur du Young MA, je suis obligé de répondre. Hi. 23h47. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés encore ce soir. Merci à tous ceux qui étaient dans leur poste. Ouais, Chao, j'attends ton freestyle sur l'instru du Young MA, moi. Ok, ok. Voilà, donc je l'attends en live maintenant. Tu sais, t'as parlé maintenant, on parle pas pour rien. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Tu sais que je parle pas pour rien. Merci à tous les frères derrière leur poste, que ce soit au travail, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison. Merci à tous ceux qui écoutent Radio Sud, Besançon 101.8. Besançon, merci. C'était sombre. Merci à tous ceux qui écoutent Radiosud.net sur Internet. Merci à tous ceux qui suivent la 25e. Merci à tous ceux qui suivent la petite chronique de Jojo. Merci à tous les refrains qui étaient là ce soir. Ah. Tiens, celle-là, elle est pour toi, Edinho. T'es prêt? Qu'est-ce qui se joue à 7? Mais qu'est-ce qui se joue à 7? Et merci YouTube. Mais oui, bien sûr. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Ah. Jounès. 22h minuit. Ok. 101.8. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voulais mettre celui-là, je voulais mettre l'original, mais bon, du coup, tu m'as fait chier. Ah ouais, je t'ai défié, vous. Radio Sud, 101.8. La 25e. Radio Sud.net. Show. Welcome to the 25. C'est quoi les jazz, c'est quoi les boys? Des fois je pète un cap, je m'imagine qu'à couler devant la caisse d'épargne. On me parlait de faire du bif, ça m'intéressait pas. Mais bon, quand c'est la crise, je prie pour rester calme. Dehors c'est la jungle, ma gueule c'est le cas. Prêt à devenir taré pour traquer le cash. J'entends le chétan qui ricane. J'ai la haine dans les yeux, la flamme qui remplit le jerrycan. J'ai rêvé de blousons en cuir véritable. Traîner dans la ville en dernière série cap. Faire le tour du monde sans regarder la montre. Faire entrer les ronds chaque seconde et faire croquer mes gars. La lune s'allume, la lune s'allume. J'ai un croquat dans la cristalline. Les lumières s'éteignent, la ville qui s'anime. Papillon de nuit sort de sa chrysalide. J'kick. Toujours n'était précis, je mets l'instru en I. Quand Valentino Rossi, tu perds des calories. Technique comme le Brésil, en théorie, je m'amuse sur la mélodie. Je suis bouillant, est-ce que t'as saisi? Okay. Si, si, Rayo, je te fais plaisir. Je veux voir maman se voir voler dans les îles. Toujours un temps d'avance, pas de mi-temps, pas de répit. J'prends de la distance, rien à voir avec tes MC. J'réside dans le 25 000 côté Est. J'vois la concurrence arracher les cheveux dans le 25 000 côté Est. Mais ce soir j'suis à la radio avec mes renois, avec mes rebeux, avec mes négros, avec mes noachis, avec tous ceux posés derrière la radio. Rizzo va Sandy reprendre le micro. Passer le temps pour faire le vent des globes. Mon rap il me sort du beat comme un ventriloque. N'attends pas d'antidote, attends que je m'isole. Je vais salir l'antipop avec l'accent l'ivrogne. Collé par la brigade anti-drogue. Envie de mort pour une cave remplie d'or. Pas de titane dans mes anticorps. Moi je rave mon reste de love en niquant l'antivol. Pour m'en sortir, ben je n'attends personne. En danger de mort pendant que t'attends les ordres. Près du four alors Satan rigole. Avant de parler mal, bolo, Satan que je m'isole. J'aime bien me voir devant un champ de pirogue. Mais dans mes projets, y'a comme un vent de discorde. Arrêtez les courbettes, j'suis pas un gentilhomme. Avec un échantillon de zep, j'te fais un bon qui gueule. On a troqué nos sirops de fraises contre de la vodka pomme. Méfie-toi, on bloque ta porte, kick Sarko et vodka pomme. J'suis pas de ces mécréants qui votent Charonne. J'm'appelle Arnaud, mais j'mange pas de porc, salope. Dans les allées où j'traîne, ça sent la mort. Avant l'âge d'or, cousin, ça vend la drogue. J'ai des têtes qui te mettent au sol, balrog. Touche à mon frère, j'te bute, t'as ma parole, sale fiotte. Chiche. Bébébé. La 25ème. Ah ouais, c'était bizarre. Jojo. C'était bizarre. Chao. Bébébé. Et encore. Bébébé. On arrive dans ton concert. Bébébé. Tu comprends pas tout ce qu'on fait en bibibi. De toute façon, c'est comme ça au bibibi. Aïe. 23h52 exactement. C'était la 25ème. Nous allons rendre l'antenne. Merci à Jojo pour sa chronique. Il a balancé des sons français, des sons quinri toute la soirée. Là, il est 23h52. On va rendre l'antenne tranquillement. Jojo, est-ce que t'as un truc à dire avant de rendre l'antenne? Encore merci à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis comme d'habitude. Un gros big up à ceux qui nous suivent, qui sont avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la 25e. Il y a les podcasts, il y a tous les retours d'émission, il y a toutes les personnes qui sont invitées dans la 25e en tant qu'MC. Vous pourrez tout voir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On n'est pas professionnel, mais on passe du bon son et on est bien content d'être là. Yes, merci. Eddie, un petit mot ou... Allez, pour la fin. Rien, comme ça. C'est la première fois que je viens depuis que vous avez fait la rentrée. Saison 2. Comme dit Leto, bientôt la saison 2. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Et Gino, un mec que vous aurez souvent dans la petite chronique de Jojo, parce que le frère va venir commenter aussi bien que Junes ou Chao. Pas de problème, avec plaisir. Yes. Et voilà. Attends, il y a un troisième là autour de la table. Tu t'as un petit mot? Il y avait Samos, on a le droit de dire. Samos. Ouais. Il y avait un mec tout à l'heure. Il y avait un mec tout à l'heure qui était là qui voulait pas le dire, mais là on a le droit de le dire. Tu sais que Samos là, là on a le droit de le dire. Premier boogie que j'ai vu décrocher le micro depuis que l'émission elle existe. Il a arraché le micro, il est là pour arracher des mics. Mon frérot, dis-nous tout. N'oubliez pas la 25e tous les jeudis soirs 22h minuit. C'est l'émission à pas rater. Et puis voilà, franchement, un bon taf. Merci, poteau. Et voilà, les choses sont dites. Samos vous a dit les choses comme elles étaient. Gros big up à lui, gros big up aux frérots. Gros big up à tous les frères qui nous entourent à Besançon. Gros big up à tous les frères qui nous entourent aux alentours. N'importe quel quartier de France, n'importe quel coin de France. Dédicace à vous tous, ceux tous qui écoutaient l'émission. Yes. Prenez soin de vous. On se quitte sur Just Music Beats. Le coup de cœur. Triple souhait. Yeah, et après ça, on rend l'antenne 23h54. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Big, grosse dédicace à mon frère Jimmy. Toi-même, tu sais, sabre laser, mon ref. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. J'arrive comme vous petit sur la planète caillot. Frappe de l'intérieur comme les caillots. Elle aime tellement la bouffe qu'elle croit que j'éjacule la mayo. J'aime bien dire fils de pute, j'préfère Ibim Benayo. M.I.A.O. Maybach Music. Plus plutôt crever d'aller bosser à l'usine. Dis à ta cousine que nos vies n'ont rien de groovy. Genre une arme qui va les faire maigrir que j'ai appelé jalousie. Grosse bedaine mais le négro est agile. Ce samouraï qu'il s'initie à la nécrophagie. Chirurgien prestidigitateur. Voilà pourquoi je laisse opérer la magie. Plage du mort pour un drive-by. Chacun de mes shoots est dans les highlights. Je te montre comment un jeune négro tire. Plombe l'ambiance avec Jazz Music Peace. Toujours le même fidèle à mon rang, quand d'autres s'éparpillent. Si je suis souvent comparé aux grands, c'est que j'en fais partie. Je suis comme le vieux loup dans l'enclos, le gun sous le manteau. Classique comme incorruptible et la scène du landau. J'ai déjà les lauriers, manque les grosses avances. J'ai le débit, l'aisance. Virons ma cote grimper comme le prix de l'essence. Ils ne partagent pas le matériel, mais apprennent mes textes. On ne manie pas les mêmes haltères, ni les mêmes maîtresses. Je veux bien plus que des broutilles, le fait depuis tout petit. Je parle pas plomberie, mais je peux les démonter avec mon outil. Sans juste des pions, moi je suis indépendant comme Haïti. Si je les vise, n'auront pas la chance à 50. Avant de le faire pour le flou, je le fais pour de vrai. Mec ou pouf, tous attendent mes shoots comme le jour de paix. Quand ils l'ouvrent, les mensonges se suivent en file indienne. Qu'ils me craignent, même en étant dans la cible, je m'en tire indemne. Rock. Ah ouais mon pote, c'est pas la même catégorie. C'est pas les mêmes calibres, c'est pas les mêmes lignes. Hey, perso, yeah. Dis-leur comment ça fait. Ça fait, rien ne m'inspire dans leur style, je dois revenir au classique. On m'a dit simplifie tes rimes, on est en idiocratie. Message codé dans mes textes, comme à l'époque des beepers. Mike toujours près de moi, comme Scottie Pippen. Combien de players en liste? Pour réussir, ils font jouer leur réseau. Mais je reste le meilleur en ligne. Et c'est pas encore fini. On n'a pas les mêmes références. Tu me dis soprano, je pense à James Gandolfini. Dans ce milieu de rapace, je suis l'élite de ma classe. Je donne des leçons, ce sera enseignant si tu veux ma place. Cherche pas le contact, évite de la casse. J'ai shooté plus de rappeurs que David de la place. Leur musique mérite même pas d'être piratée. Jouer un rôle, ça fait que miroiter une vie ratée. Ils devraient ni se montrer, ni rapper. Ils étaient mieux ni avant, ni après. Ils gagneront ni la guerre, ni la paix. Perso. J'ai fait deux concerts en un an, quoi. J'ai fait deux concerts. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because it cannot be denied. Come take me in at the night, I make her get it amplified. But I quit for run the ship, me now go slip, me now go slide. In other words, the love, I got to give it certified. For give it the toughest, longest time for ride, girl. Baby boy, you stay on my mind. Tell me.